teme, mi bali teme, bale ki teme, kulutu teme, mon sali molato, mon konzi molato, tika ngana monisa na zwa kampe, na sali mwana mboka mpe na vanina kapita. Magata bisengoe na baninga, apeti eti somba borazima, fonse kaka sembe hipopoe. Dido libwa libwa akoyemba, bela bela ya bandekoe bandekoe. Bakuba ya bakuba, bakuba. Sukase ekondae, tuzahina. La konga lo popo, mwana ndome. Jeo malebo, zembe zembe. Mantula kapita, na le peuple. Yes, yes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Pour ce 38e épisode du désormais très célèbre show, le No Form Grooves éclectique. Et bien sûr, bonne année à toutes, bonne année à tous. Bonne année, Pili. Bonne année. Comment tu vas, mon pote? Ça va pas trop mal, comme un début d'année. Donc à toutes et à toutes, je souhaite une excellente année. Et je suis de retour aujourd'hui parmi vous pour une émission spéciale Congo. C'est ça? Exactement, donc spécial Congo hein, pour la première émission de, pour la première émission du mois. Et joyeux anniversaire mec hein, parce que c'est les 1 an du No Form Grooves Éclectique. Allez, bon anniversaire. Bah écoute, merci. Voilà, donc 1 an, toutes nos dents, voilà, ça a fait. Donc on a commencé le 2 janvier 2017 à essayer de proposer une alternative un petit peu à. Aux autres musiques africaines que l'on peut trouver sur Genève, et puis une autre alternative à la musique tout court aussi, parce que notre credo étant l'éclectisme, j'ai l'impression quand même qu'on a tapé dans tous les coins, dans tous les sens, en essayant de proposer en essayant de proposer des playlists aussi diverses que variées quoi. Donc voilà, donc juste pour ça quand même, voilà, ça a été un an bien fourni, quand bien même on n'a pas fait tous les lundis, mais quand voilà. Bien même je t'ai fait faux bon plus d'une fois, mais c'est pas grave ça. Voilà, c'est pas grave. Les aléas de la vie. Je tiens à m'excuser hein, pour ceux qui penseraient que je viens de me prendre un ion dans le pif. Pas du tout, c'est juste que je suis sacrément malade. Et malgré ma maladie, je tenais quand même à faire cette émission anniversaire. Comme on est à la radio, il faut savoir que le fils de Bizet France est en combinaison de ski avec une écharpe et un bonnet. Voilà. Exactement. Exactement, exactement. Bon, donc ce spécial Congo là qui commence avec ce palmarès de taboulé et... Taboulé et l'African Fiesta et la Frisa, pardon. Une petite perle glanée quand tu es parti à Brazzaville. Ouais, exactement. Ouais. Quand je suis allé diguer l'an dernier à Brazzaville, qu'est-ce que je dis l'an dernier ? Il y a 2 ans maintenant, bah oui, vu qu'on est en 2018. Non, je me suis retrouvé à diguer des disques en. Ça, on a déjà parlé en plus. Dans une cave à Brazzaville et j'ai pu exhumer ce magnifique palmarès. Voilà, ça c'est. Un butin de combien de disques à peu près ? Ouais, je suis revenu avec à peu près 400 disques, un truc comme ça. Que tu vas partager avec nous. On va peut-être pas écouter les 400 disques aujourd'hui, mais en tout cas. Non, et pourtant c'est pas l'envie. On aura du temps pourtant, pour c'est écouter pas l'envie tout ça. C'est pas l'envie qui manque de les faire écouter ces 400 disques. Mais effectivement, j'ai quand même. Dans la petite sélection là, que j'ai ramené aujourd'hui, j'en ai ramené. Beaucoup qui viennent justement de ce petit dig, dont le pneu y a réserve là de Gwashi Timbo et de l'orchestre tout puissant au K-Jazz. Voilà. Et puis moi j'aimerais aussi saluer ta noblesse, parce que beaucoup de diggers partent rafler des disques à l'étranger, souvent en Afrique, enfin un peu partout d'ailleurs. Mais ceux qui partent en Afrique partent pour ramasser des disques qui sont ensuite vendus à des prix mirobolants sur Discogs. Donc toi tu le fais par passion pour la musique et ça c'est noble. Voilà. Ouais, mais bon, je fais ça aussi dans le cadre de la sauvegarde donc du patrimoine culturel congolais. Mais ça ça me touche déjà que tu le dises, mais. Donc on va quand même en parler un petit peu plus dans le détail, parce que d'une certaine manière c'est un petit peu ça qui nous motive aussi, enfin qui nous a motivé toi et moi à monter cette affaire de la Société des Ambianceurs et fatalement donc de cette émission d'une forme groupes éclectiques. Mais pour l'heure, mon ami, si tu le veux bien, on va s'écouter Pneu à réserve de avec plaisir Gwashi Timbo. Let's go. Imotayo, tika konyo kolo mote managana Golingo na lembio tikanga na pema mama Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako salatu na bosa na yo Okolinga kana kufae Soki na kanesi bapasi ya bolingo Zala kiko salanga imao Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tu na bosa na yo Dimota yo Tika konyo kolo mote mananga na bolingo na lembio Tika nga na pema mama Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tu na bosa na yo Okolinga kana kufae Soki na kanisi mapasi ya bolingo Zala kiko sala nga imao Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tu na bosa na yo Après minuit Wasi Timbo A bosa ni yo Otayo Otikinga Oke na poto Timotayo Tika konyo kolo mote malanga na bolingo Na lembio tikanga na pema mama Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tu na bosa na yo Okolinga kana kufae Soki na kanisi papasi ya bolingo Zala kiko sala nga imao Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tu na bosa na yo Emma. O kamata kinga ipine ya rechange mama O kamata kinga ipine ya reserve mama Lelo nakamu yoko mikola nangato zongi salibala kamonoko Namtamboli kisasa mo bimba pona yo na koma koyenga yenga pona ninyo gana lembi mama imota yo gana zokiye ye oh chéri gana kufa oh chéri gana baby zoto omota yo gana lembi mama oh chéri gana zoki mama Nana kufa he mota yo yo yo mama O kamata kinga ipina ya rechange mama oh oh O kamata kinga ipina ya reserve mama Lelo na kamwe o komikola nanga tozongi salibala kamonoko O tambu isinga kisasa mopimba pona ninyo Na komako yenga yenga pona ninyo Nana lembinyo Montayo, gana le dima, di montayo. Chéri mama mama chérie, gana kufa dio montayo, gana le piye, gana zokiyo yo, na kufa oh oh chéri, gana le bi mama. Nana kufa eh namotema okamata kinga ipina ya rechange mama oh oh okamata kinga ipina ya reserve mama lelo na kamoyo komikola na ngai tozongi salibala kamunoko chéri chéri eh namotema mama mama oh nama banzo okamata kinga ipina ya rechange mama oh oh Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo na kamo yoko mikolanda Ngaito zongi salibala kamonoko Na tambwe singa kisasa mopimba Pona ninyo Ngana lembiyo Motayo Ngana leli mama O chéri Ngana kufa yoyo motayo Ngana leli mama motayo yo Gana le mi mama, oh chéri. Gana zokiye, montayo. Gana kufa yo yo montayo. Gana beli yo yo yo montayo. Gana le mi yo yo. Gana kufa ye montayo yo yo mama. Okamata kinga ipina ya rechange mama oh oh. Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo na kamo yoko mikola na ngato zongi salibala kamonoko Chéri, chéri, eh Yomotema Mama, mama, eh oh Kama banzo Okamata kinga ipina ya rechange mama oh oh Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo na kamo yoko mikola na ngato zongi salibala kamonoko Otambi singa kisasa mopimba pona ninyo Nakomako yenga yenga pona ninye Gana lediyo, imotayo Gana zoki mama, oh chéri Gana kufa yo yo motayo Gana baby yo yo chéri Gana lembi yo, oh mama Gana zokiye, oh chéri Yo, yo, yo, yo, yo, motayo Mama, mama, mama, oh motayo Chéri, ye, ye, ye, gana kufa, Mama, mama, oh chéri Okamata kinga ipina ya rechange mama, oh, oh Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo na kamo yoko mikola na ngaito zongi salibala kamonoko What's up, what's up, what's up, what's up

Hey. En direct après ce Sambuluma de Taboulé, l'orchestre l'international Afriza. Voilà, première partie, hein, bien sûr, parce que c'est un 45, donc partie 1, face A, partie 2, face B. Et malheureusement, donc. Et j'en profite pour adresser un petit message à ma fille, Ella, qui m'écoute actuellement. Va te brosser les dents, va mettre ton pyjama et va te coucher. Demain, il y a l'école. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a écouté avant? On a écouté Johnny Bokelo. Ouais, effectivement, donc, juste avant le taboulé, il y avait le Johnny Bokelo avec le titre Nidaya. Voilà, donc, deuxième partie. Johnny Bokelo qui a débuté au sein du Conga Jazz et de l'orchestre Kobantu avant de former l'orchestre Conga Success. Ou Success, je sais pas. C'est le petit frère de Paul Devayon Izengo, aussi un grand guitariste un peu qui joue dans le même style que Franco. Donc la comparaison a été toujours un peu douloureuse pour le petit frère qui a suivi un peu les traces des aînés. Et malgré tout, ça reste un immense guitariste. Voilà. Et il y avait quelque chose après, non? Ou pas? Il y avait le Rochereau? Ouais, non, après il y avait le Rochereau. Donc ah, voilà. Là, c'est bon. Et puis là, on enchaîne avec. Un Franco. Et Franco, je pense qu'il est plus nécessaire de le présenter. Ceux qui sont assidus à cette émission, c'est-à-dire à peu près un peu moins qu'une dizaine de personnes connaissent Franco. Voilà, bonne écoute. Et puis on a Nabil qui est ici aussi. Hein. Qui va peut-être faire une intervention après. Qui est officieusement le troisième membre de la Société des Ambianceurs. Qui aime beaucoup Francky Vincent. Allez, on s'écoute donc Franco et le tout puissant OK Jazz. La track c'est Bokolo Banayabanda Nayo Malumu et c'est la deuxième partie. C'est parti. Chauffe. Eloko nini nga na koki koloba e Mabalo yo batika kabana e Surtout soki mama na bango akufi bandeko e Tata akobala mwasi mosusu e Mwasi oyo babali sika Akoya na mentalite na e bandeko Aboyi bana ya mobali e Akomi konyo kolobango Abingai mama na binote, soki bolingi bolanda ye Nzoka mama akufa bandeko, akotange la bango ye butu moye Ye ye ye, ye ye ye, ye ye Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Banda kende atikela yon po mengo nanda koe mama Mwasi atikela ngai bana e Abala na zone yon kombe Mwasi amata mapapu Akoma na mbongo mingye Abosa nande bana Bane bay nangai bande koe Ako yo kandenge banyo koloko banana ye Ako kipakata likambo yote awela mosoro e awela mbongo e awela kote kabiamba na zando e wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo mbano yo mbanda kende atikela yo bomengo na ndako e mama ya ofele yango mwasinga na bala bandeko atikelanga bana minei ya liboso nkombo na ye Sylvie ya mibale nkombo na ye Mimi bandeko e ya misato nkombo na ye Fifi bandeko e ya mine nkombo na ye aluka makambo libala ekufaka ntango tobotaki mwana yo e mwasi alingaka koya kotala bana te atikela ngai mokumba monene ngai moko na bana e mwasi ngai na balisika nakopesa konsei bandeko e mbutu nyonso ngai nalala e nafinika bolangiti e nabandi kolela na se ya bolangiti e ndenge nini ngai nakombokolo bana oyo ngai moko mwasi ya sika poi bana oyo sutu lokola na poti na ye mwana na ye bandeko apoi kosenti bana na ngai wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele likambo ya libala ho soki oboti bana bokola bango na mwasi obala bandeko tika koluka mindondo mindondo ewutaka na biso mibali e okobala mwasi na bopovre nyonso soki yo lelo ozwi mosolo olobi onyokolo mosolo na mwasi ya sika e obosani mama na bana e okomi koluka mindondo biso mibali tomema ngambo e miso na miso tokokutanaka na pasi mosusu na balabala e ekolukela biso ngambo e wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bana yo Toga Boca Mijea thank you.

Hop là, de retour en direct après ce bon samaritain de Papa Noël. Et si je dis pas de bêtises, hein, c'est Carlito qu'on retrouve au chant sur l'intégralité des morceaux de cet album, hein, qui n'a pas de nom, qui s'appelle juste Papa Noël Nono. Donc, et avec Papa Noël, c'est tous les jours Noël. C'est tous les jours Noël. Donc qui, comme pratiquement 100% des productions qui sortent de Yadé, c'est Freddy Kebano qui était aux manettes. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un gage de qualité. Et c'est sorti en 1984. Hop là. Cher docteur, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la prochaine track? Alors, on avait le Loke Jazz juste avant. Petite précision, c'est un morceau qui date de 76, je crois. Et dans les années 70, donc Franco est vraiment au sommet de sa gloire. Donc, il est président de l'Union des musiciens aérois. Il possède sa propre usine de pressage. Il a 3 labels qui distribuent ses productions. Il a un immense complexe avec un club et un studio d'enregistrement. Et dans les années 70, je crois qu'au milieu des années 70, il y a à peu près une quarantaine de musiciens qui joue dans son orchestre, et il est repéré par Fela Kuti au Festac de Lagos en 77. Et c'est évidemment Franco qui donnera l'idée à Fela Kuti de s'entourer d'une multitude de musiciens. Donc voilà, c'est quand même un élément important dans l'histoire de la musique africaine. Et puis pour la suite, on a le Grand Maquisard, je crois. C'est ça. Donc anciennement le festival des Maquisards avec Sam Mangwana et Gouvano, entre voilà, autres. Voilà, exactement. Michelino aussi. Et donc bah voilà, on écoute ça tout de suite. Et la track, c'est Koye. Exactement. Sakio maloba poto vala kuni baki yoso nalobaki na pesa lina yo mitindo lokola mwasi na mobali pe bakosalaka katiaki na yo motema mpona yebaki tozalise wanga ngai mpe nalinga yo mingi. Lingine oboyangana tango yo bolingo ekomelinga esukali zela zalaka pe nanu na baide ya bomoto eme nazali komituna solo soki nakokoka koyeba ninde ekoleka oye pena matango mokebwe tokomana. Saraka pena nuna baide ya bomoto eme nazali komituna solo soki nakokoka koyeba ninde ekoleka maloba koyekanisaka liboso ya koloba banzaka soki nazali nanye. Wani na yo toboti pe etika tokolisa pelelo yo bolingi koboya oh, kosa lobela ngani ya mabena salioni ye nani minyo so decision kama tipo kene zela kola bongo kosa la d'amour na même na moté bravo Dani Bibola de Panama. Bakuba Show de l'Empire Bakuba, hein, qui est l'idée par l'une des plus grandes stars du continent africain, et ça c'est vraiment dans tous les sens du terme, hein, parce que Pépé Calais c'était quand même plus de 2 mètres et plus de 130 kilos de force pure, de soukous, de primus, et de le gigantisme à son meilleur, quoi. Voilà, donc je profite de terminer sur ce petit segment justement de la chanson Bakuba Show, donc pour faire un petit un rapide retour un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la société des ambianceurs, parce que on vient vous dire en préambule de cette émission donc que ça fait en fait les un an de notre émission. Mais qu'est-ce que c'est en fait que la société des ambianceurs? On va y répondre tout doucement. Qu'est-ce que t'en penses, Pili? Je pense que c'est une bonne question en tout cas. Voilà, donc docteur Pili Pili, les fils de Bizet de France, donc deux mélomanes qui se sont rencontrés de manière totalement fortuite et puis ont commencé à délirer un peu sur la musique et puis à échanger comme ça et à se rendre. Ils se sont rendus compte que. Bah, qu'en plus d'aimer la bière, ils aimaient aussi la rumba congolaise, et puis voilà quoi. Donc très vite nous est venue l'idée de faire une compilation. Donc, notre premier disque, Beauté Nabeno. L'idée aussi c'était que la rumba congolaise dans les musiques africaines qu'on entend ici beaucoup est un peu sous-estimée ou laissée un peu de côté, alors que c'est le Congo est une sorte de berceau pour certaines musiques africaines, notamment les musiques qui sont des musiques plus sur la côte. Tout ce qui est limitrophe, en fait. Voilà, tout ce qui est limitrophe, mais également Ghana, Gabon, Togo, Gabon, Bénin, et évidemment Nigeria, et que cette musique a eu beaucoup d'influence. Alors il y a un autre type de musique, une musique un peu plus réservée aux initiés, qui est une musique mandingue, qui se joue plutôt du côté du Mali, enfin plutôt sur la côte ouest de l'Afrique. Mais voilà, nous on avait envie de rendre hommage à certains grands de la musique congolaise, notamment Franco, notamment Taboulé Rochereau, Grand Calais, Docteur Nico, tous ces gens qui ont influencé beaucoup de musiciens en Afrique. Et qui ont montré qu'il était possible de faire de la musique aussi en mêlant différentes influences, et donc des influences qui revenaient, enfin les esclaves partis sur les côtes caraïbes revenaient avec de nouveaux sons dans les bateaux de transport ou les bateaux aussi les bateaux de guerre, enfin les bateaux voilà qui transportaient des soldats, et puis tout ça a été diffusé et digéré et est né de ces sons-là des Caraïbes, une rumba qui est particulière, chantée en lingala, donc réadaptée un petit peu à la sauce africaine, donc qui est partie du pays, enfin des rites qui sont partis du pays pour voyager avec les esclaves, qui sont revenus plus tard sur les terres africaines et qui ont été rejoués par des gens qui écoutaient ça dans des petites échoppes avec un type qui avait un gramophone et qui passait cette musique dans la rue ou dans des petits bars, des guinguettes, voilà. Donc comme je le disais avant, Fela Kuti a entendu ces gens-là, ces pionniers un peu de la musique moderne en fait, africaine, et ouais, nous c'est un hommage à ces gens-là qu'on voulait faire. Exact. Et puis, il me semble que l'hommage passe plutôt bien, puisque je constate je constate de façon extrêmement modeste, hein, que chaque fois qu'on nous donne l'occasion de passer de la musique dans un lieu où on peut danser, je constate quand même qu'il y a de plus en plus de monde et que ce monde est de plus en plus content aussi de pouvoir laisser libre cours justement à pouvoir laisser libre cours justement à tous les pas de danse qu'ils ont envie de, bah, qu'ils ont envie de produire. Et, à chaque fin de set, on nous demande justement quand est la prochaine. Quoi. Voilà. Donc, les gens ne sont pas sensibles uniquement parce qu'on a énormément de compiles qui sortent sur des musiques d'Afrique des années 70, donc qui sont plutôt influencés par la soul ou le funk. Et là, nous, en passant parfois de la rumba congolaise assez originelle, c'est-à-dire des années fin des années 50, début de l'indépendance dans les années 60, on s'aperçoit que les gens ont du plaisir à danser en couple. Donc on retrouve aussi une avec la musique une danse de couple et des gens qui sont prêts à danser sur des rythmes un peu différents. Donc on ne tombe pas non plus dans la facilité d'envoyer un gros funk qui fait danser tout le monde. De temps en temps, on passe évidemment du soukous, qui est un peu plus tardif, mais voilà. Donc les gens les gens sont dansent en tout cas à nos soirées, et voilà pourquoi on est la société des ambianceurs, et voilà pourquoi on est une des meilleures sociétés qui passe de la musique africaine actuellement dans le monde. Exact, et ça, on n'a pas peur de le dire. Et notre credo, c'est avec la société des ambianceurs, on entre OK et on sort KO. Voilà, donc après cette petite réintroduction en fait de qui la société des ambianceurs, on part en musique donc avec l'orchestre Bella Bella, donc qui était l'idée par les frères Soki, avec Niboma qu'on va écouter par la suite. Niboma, effectivement, un des plus grands chanteurs du Congo, toujours en activité d'ailleurs, et qu'on salue puisqu'il nous a aidé justement, on a pu s'entretenir avec lui dans le cadre de la sortie de notre deuxième compilation. On a posé quelques questions et on a pu agrémenter notre disque justement de des gens qui malgré le pédigré, malgré la carrière, sont toujours d'une humilité qui est assez exceptionnel. Et donc, mais de toute façon, Niboma, tu vois que le mec, il est maintenant dans le, comment on appelle ça, dans la transmission. Dans la transmission, exact. Hein, il nous a dit vraiment avec humilité que non, les petits, c'est bien ce que vous faites, etc. Parce que vous militez quelque part pour qu'on ne nous oublie pas. Enfin. Ça, moi, j'ai envie de dire, franchement, ça vaut un disque d'or, quoi. Franchement, quelqu'un qu'on a écouté comme ça, tout petit, qu'on va retrouver, qui nous dit merci, enfin, voilà, moi personnellement... Et qui a fait danser une bonne partie de l'Afrique dans les années 70. On écoutera après certains de ces tubes qui chauffaient les pistes de danse des guinguettes et des maquis dans une bonne partie de l'Afrique. On aura l'occasion de l'écouter dans une de ses dernières formations, qui était les Kamalé Dynamique, qui est une formation dynamique, comme le nom l'indique. Voilà. Allez, on est parti donc avec Leki Amwasi de l'orchestre Bella Bella. Oh là là. Allez. Nos formes grooves éclectiques, musique incendiaire pour mélomane pyromane. Masamba semo, masamba leki ya mwasi Yokali kambo, mama koloba Olukate obeba zoto Soki olangi mube mande ya bato Oko yako beba pamba Ozali nando leki yeah, yeah. Banzu noko tango yoso Ako pesa yotoli Vanda nandako Salisa baboti Tanga kelasi Eko yako salisa yo Toli ya baboti wa pesa Kolukate otala pamba ndena sima Oko yako banza yeah, yeah. Natongo nyoso bima Ikazama salisa yo akandele, akandele mama, yo wana kosalisa biso. Je suis un peu plus de temps. beninga kokera songa na mesanate mama nanga igogoga kama pierre ya bayuda soya nini beninga kokera songa na mesanate ba camarade nde balubaka na zali na lolando Bukilo ayibi bom bolom pe bo sende nanga ye Bernadette ayibi bole mwi pe bo kunanga ye Yako senga na ba masengo Bapesa nga makase Yako bangisa na mosala nanga ye Anga isha muko ye ye Na baby di nzoto Wala Babwa kelinga ikisi Konkurence mpote bakanye Babwa kelinga maladi Babwa kelinga ikisi konkurence pote bagagne Babwa kelinga maladi pote na kufara Madame Yaya Komananga igogo e koma prier ya bayude soeni baninga konkeranso na na mesanate Success kili kimingi bakuluka tango nyonso bakosela kayo makambo lokutaga mpote ronyo kwa manzambe mama awana zali na nubu moyi bazali koyina mpe kokana ngai kasi mokolo yaliwele regre kozanga te bangoyo balingaka ngai nde bakolela ngai yoyowe basusu na litomba basusu bakosala semblant yoyowe bandoki bakosepela ropo bazwa libulanga na teke Mama nanga igogo e koma prier ya bayude soye nini baninga kokera songa na mesanate Mama nanga igogo e koma prier ya bayude soye nini baninga kokera songa na mesanate Salam Moko na kolimwa bakuluka bayi bankuku na ngai Ine mitango bakoyeba kongre ya bosepeli yeko salama Banda kisampe biloba loba yeko zangatena minoko Ayuda bakoyo kansomo banguna bako nzomela Bambanda bako sepela gopo bazwa basinga na tiki Nako senga na bankoko Bapesa nga makase Yako bangisa na mosala na ngai Anga isho muko ye ye na baby di Babwa kelinga ikisi konkurence pote bagagne Babwa kelinga maladi pote na kufara Babwa kelinga ikisi konkurence pote bagagne Babwa kelinga maladi pote na kufara Bembesa yeye Adamu Thank you. Nazwa nazwa te ye ye Iteli kaka singa y mama Kango koko na pamite ko bende Zambi akabula bilongio Akabula piba chansa ma Kango koko na pamite ko bende Ika kumisa ma milando monika Obota nga y mama Kango koko na pamite ko bende Mama mama mama mama Na bende nga mkulio kwa maya De retour en direct après ce superbe Nakomiko Banga partie 1 et 2 de l'orchestre Super Tembesa de Pontenoy, hein, donc qui était l'idée par Chamouko, dans lequel a transité aussi quelque temps Raphaël Louvilla. Voilà, donc ça c'est pour ça va être pour les vraiment pour les anciens qui arrivent un petit peu à remettre Raphaël Louvilla qui a fait quelques disques avec, si je dis pas de bêtises, avec Fidel Nzizi dans les années 80. Deux en tout cas à ma connaissance. À vérifier encore. Voilà. Et puis aussi, je profite de cette petite parenthèse pour saluer notre principal et unique jusqu'ici, donc on va dire partenaire. Hein, puisque. Depuis que l'on a entamé cette aventure là de la société des ambianceurs, donc qui veut promouvoir les musiques de Congo, en fait on a sollicité plusieurs médias genevois, français, et même africains. Et jusqu'ici, donc sur la centaine de mails qu'on a envoyés, on a simplement eu deux réponses favorables. La première, donc, qui vient du site Mboka Musica, donc qui est tenu par Grand Messager. Donc voilà, donc Messager, encore une fois, grand frère, on te souhaite une excellente année 2018 et puis on te remercie de relayer nos podcasts qui sont dédiés à la rumba. Et donc la deuxième entité justement à nous avoir fait un peu de publicité, c'est le site julo.net. Donc après pour tous les restes, tous ceux qui se veulent Afrique ceci, Afrique 24, Africa numéro 1, voilà, donc qui jusqu'ici hein, sont restés sourds et aveugles à nos sollicitations qui du reste sont toutes modestes, mais on vous remercie quand même les gars, on vous remercie quand même parce que c'est mine de rien, c'est grâce à vous qu'on continue quand même à faire qu'on continue à faire notre petit travail de comment est-ce que je pourrais dire qu'on exhume comme ça toutes ces pépites des rives du Congo. D'archéologie. Exactement. Donc, continuez d'être fermés comme vous êtes, à promouvoir votre coupé décalé, votre afro-trap, pendant que certains mélomanes vont justement retourner aux sources. Enfin, bref. La joie. C'était le petit coup de gueule de 2018. Exactement. Là, je vois que Pilic, que tu as chargé un 45 de l'orchestre Mando Negro à faire autobus. Ouais, je connais pas bien cette formation. C'est une formation de jeunes gens de Brazzaville, sauf erreur. Toi, tu dois savoir mieux que moi. Et oui. Donc, voilà, de jeunes musiciens qui étaient un peu comparés au Negro succès de Bavon Mary à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup d'infos, mais c'est. Toujours, on constate justement en écoutant tous ces morceaux à quel point la rumba cubaine a été enrichie de tous les folklores locaux un peu et de par toutes les musiques des différentes régions justement des deux Congos et aussi enrichie par les langues qui sont assez variées. Donc il y a évidemment le Lingala qui est une sorte de langue véhiculaire bantou qui permet à tous ces gens-là de se comprendre, mais il y a toutes sortes de patois, de comment on appelle ça, de... Non, mais carrément de patois. Hein, ouais, de patois, de langues originales comme ça qui apparaissent dans ces morceaux et qui en font des morceaux spécifiques et clairement africains avec justement le retour de certaines tradition dans une musique moderne. Exactement. Allez, donc Affaire Autobus hein, qui a été écrite par Fidel Nzizi justement, dont on parlait là par rapport à l'orchestre Super Tembessa. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Restez bien calés sur la radio de l'usine. Lobby na kota kina autobus oyo ekende ke poto poto mungali wenze bakongo makele kele likambo ya soni na mona kina miso nanga mwana kongo otika kosala boye mwasi moko bakamatani mindondo na mobali tokoki koloba zali papa na bambula likambo euti wapi Momo bala nyataki mwasi na lokolo Ikambo iuti wapi Momo bala nyataki mwasi na lokolo Lobina akota kina autobus oyo ekende ke poto poto mungali wenze bakongo makele kele likambo ya soni na mona kina misonanga mwana kongo otika kosala boye mwasi moko bakamatani mindondo na mobali tokoki koloba zali papa na bambula likambo euti wapie mpo mobala nyataki mwasi na lokolo likambo euti wapie mpo mobali anyataki mwasi na lokolo tika toloba babe tosalaka na kati ya otobiso eleki mbeka tika toloba babe tosalaka na kati ya otobiso eleki mbeka tika toloba babe tosalaka na kati ya otobiso eleki mabe tika toloba babe tosalaka na kati ya otobiso eleki mbeka tika toloba babe tosalaka na kati ya otobiso eleki mbeka na otobiso okela Better. moko Yenda mwisinga imoto mama e Cheriza isa Ope singa liboma Cheriza isa Ope singa liboma mama e Sina lingi yo mingi engana kubatela Yo zali mwa sina lingi yo mingi engana kubatela ya liwa ezala kabe pembenye Maita matondi sali banda ya baweyi Se bona boye oh nsalulu Se bona boye oh nsalulu Bolingo bosala miloko la mbula ya elanga Kasi bomba sekele na motema mama Bina kacha mpepo masolo na mapata Epa ina keinga mokona evite Oh, salulwe Selie Oh, salulwe Mama Alemba Basi aliwa ezala kabe pembenye Maita matondi salibanda ya bawe Se pona boye oh nsalulu Se pona boye oh nsalulu Ngomba na ngomba ebo ya kokutana o Oyangana yo mama tandeleo Ngomba na ngomba ebo ya kokutana wese Kasi oyangana yo mama tandeleo Salutwe mama Salutwe seye Na bereli kombo ya nsalulu Denge mokiso abelelaka Kombo ya yesu mosantu Nafuka meli elili ya ese Kasi mwe salite o salulu mwe salite o salulu ngomba na ngomba ebo ya kokutana o kasi oyangana yo mama tandele ngomba na ngomba ebo ya kokutana o este kasi oyangana yo mama tandele salulu mama salulu Thank you. Hop là, de retour en direct, la société des ambianceurs, Docteur Pili Pili et son fidèle alcoolite, le fils de Bise de France, pour vous servir. Et donc, on avait peu avant Niboma avec un album de 1982 qui récidive à la tête du truculent orchestre Les Camalets Dynamiques. En 81 sortait l'album Doublé Doublé, immense succès commercial et d'estime, qui a fait danser de nombreuses personnes dans les capitales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et puis on enchaîne avec Verkiz. Attends, juste ouais, pour terminer avec ce petit point tracklist. Donc, avant le Zaïcha de Niboma et des Kamalé, on avait le Kumbélé du Rico Jazz, qui est un morceau qui date de 62. Et le Rico Jazz est toujours en activité d'ailleurs. Hein, donc ça c'est très vieux groupe, non ? Ouais, bah, carrément. Ouais, parce que ça a été fondé. C'est encore un de ces groupes qui se forment sur les cendres, de ce qu'était. Le premier vrai gros groupe de musique congo-zaïroise. Donc en fait, il y avait Jean-Serge Essou, ouais. Il me semble, donc qui était au début du Rico Jazz. Ensuite, il est allé donc dans le tout puissant Hanké Jazz. Et après, il a quitté justement le tout-puissant Hanké Jazz pour fonder donc du côté de Brazzaville l'orchestre du Bantou de la capitale, qui lui aussi est toujours en activité. Et voilà, donc le Rico Jazz qui, sur ses 25-30 dernières années, a subi une transformation musical majeur, en ce sens que le groupe aujourd'hui tend quand même plus du côté des musiques des îles type Antilles, Haïti, etc., plutôt que vers la rumba originelle des deux Congo, quoi. Mais c'est toujours plaisant à écouter, en tout cas. Moi, j'invite les plus curieux à regarder un petit peu dans YouTube ce qu'ils peuvent trouver comme vidéo. C'est toujours très plaisant à écouter. Donc le Kumbélé, le Zaïcha, et donc juste avant on avait le Saloulou d'Angelino, voilà, chanteur brazzavillois. Et là tout de suite on va écouter un morceau de l'orchestre VV dont le titre m'échappe. L'orchestre VV, c'est le groupe de Verkiz qui a débuté au sein Sissa Motema pour le titre de l'Hanké Jazz, l'une des deux grandes écoles de la rumba congolaise. Il a débuté en qualité de saxophoniste et puis dans les années 70 il devient une figure incontournable de la rumba congolaise, producteur, arrangeur, musicien et aussi un escroc, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Il dirige les débuts de Pépé Calé, leader d'Empire Bakuba qu'on a écouté avant, de Niboma qu'on a écouté aussi. L'orchestre Bella Bella aussi. L'orchestre Bella Bella, l'orchestre Lipua Lipua. Il produira et éditera sur son label Zaiko Langa Langa et Koffi Olomide, lequel chantera en duo avec Papa Wemba tout au début. Donc voilà, on écoute un morceau qui est plus dans la veine un peu funk des années 70 à Kinshasa. Gai motema motonda zuwa zala nesika nangai yokumisi nembanda na miso nangai e elembo na motema etikani. Sisa motema na boye. Voilà, de retour en direct pour gentiment vous saluer puisque la relève en 2018 est à l'heure. Donc on en profite pour saluer Maga pour le Maga Show. Ça va commencer incessamment sous peu. Juste le temps de une fois de plus vous souhaiter de renouveler nos vœux. Voilà, donc on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, toujours pour s'écouter du bon son. Enfin, on espère ce qui est du bon son. Voilà, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et là, dernier son, Fautia Commerçant, Franco et Samangwana. Voilà. Portez-vous bien. Bandima tala balingi kokunda ngai mobesu Nazali nanu kope manano na kufite oh. Kadiba mobali akabinga ikano na bambanda Nazali nanu na maina nzoto elenge Yo yo Foti ya mbanda te foti ya komelesa Atekeli biso e na mbandenge moko bampangie Komelesa yeko aluka na yese mbongo e Ngai na mbanda toko kanie Nzamba salanga mokelo kola tonga masinye Mbanda banga lolendo na ngai teo imao Mao tala kisasa mobimba balali Ngai nazali seko tanga plafond na kanapeo Mawazo e Kadi mobali akabinga ikano na baleki Bazala kiko benganga ya ya na nzela ya sando e Nasambwe o Ngai na mesana kose kata lelo na siliki Mbanda banga kanda na ngai te umalole Tai ya maneke ongai mwana lomeka Mobali asambu singa likolo ya vengeance yo Oyo yo Omi nalewa e Mbanda tukukani babuwe Foti ya komelesa Boko yo makambu Uka miziki ya mana muka Imae Bolingo pasie Maloba ya tatali boso akata motema Nambe to l'hôpital wa yebisa kangai boye Mwana soki kokelele kina la vie Bako yako benga yo maboko makasie Mwana soki verite ele kimingi na monoko Bako yako benga yo epanza makita Soki mobali alembiko sale la yozua Wana ekomi kaka libala ya provizwa Mwasi ya mobulu wa simba kama kwela veo Suka ya likambo, seba boya ye Nyongo ya pongi isuka seo futa Mwasi obonga kise nanda kwa masia Hey ma, oh mama Bakalanga ikala bayinanga yo mobali abuyanga kala na koyeba kateo ah. likambo na sala eleki lelo mbula zomio mobali akangela ngai kanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingio ainga nani ekwami yoyo o mama oyoyo mobali atiki ngai bolingo na lolemwe oyeye bibale epesi ngai panso ya bomwana o oyoyo mobali akabi ngai kado na bambanda e o mama je moyen pas comprendre oyoyo ai je muri kado ee mama o mobali atiki ngai bolingo na lolemwe ima o mama libala epesi ngai panso ya bomwana boye o o mama mobali akabi ngai kado na bambanda e o mama moi je moyen pas comprendre oyoyo moi je muri kado e lisasa bazwi lisolo ya kosolola kombo na ngai esili ye mama banana nganga limeti ye oyoyo ate epai eseli zozo e epai ya bete kombo na ngai esili kosila sempolinde supue moi je muri kado e ima ima eyeye ima ima enga na wiyo oyoyo mobali akabi ngai kado na bambanda e o mama bibala epesi ngai panzo ya bomwa